On va parler avec Tony Guzzo de la Ligue nationale de football. Salut Tony! Salut Danny, comment ça va? Ça va bien Tony. Écoute, je veux te parler on va parler des matchs de la semaine évidemment, mais tu veux parler de Pete Carroll, que ça sent la fin avec les Seahawks Seattle. Ben oui, parce qu'à Seattle, comme on sait, en début de saison, il y avait des rumeurs comme quoi Russell Wilson voulait quitter, tout ça. Donc on sent, il y a beaucoup de dissensions, comment on dit ça, de conflits, tensions dans l'équipe. Puis je dirais même un peu de désordre dans la gestion de l'équipe. L'autre jour, ils se sont fait blanchir pour la première fois en 10 ans. Notre ami Pete Carroll, il a quand même 70 ans. Ça fait 12 ans qu'il est avec Seattle. Il a quand même connu 9 saisons gagnantes, dont 3 de suite avec 10 victoires de plus là, et plus là, dans la saison. Mais c'est sûr qu'il y avait le fameux Legion of Boom. Tu sais, c'était structuré, il y avait une excellente défensive. Tu avais un Russell Wilson qui était excellent comme quart arrière, puis même un Marshawn Lynch. Tu sais, je veux dire, on dirait que depuis là, tu sais, le mauvais call Ben, moi, je suis surpris que c'est pas qu'il a arrivé. fait là, en Super Bowl Tony, là, pour aller perdre encore contre tes Pats. Là. je suis surpris, moi, que Tony, que ça ne l'a pas suivi. Écoute, Ben oui, ça l'a suivi. Là, on ben, voit. pourtant, Non, ouais. Ouais, comparé à. quand tu Ouais, parles de Mark. comparé à Atlanta, là, tu veux Ouais, dire? mais quand tu parles de Mark Crawford, tu penses à quoi? Ben, Que Wayne les Gretzky, mauvaises décisions. que Wayne Ouais. Gretzky n'a pas mis Wayne Gretzky en Nagano. Ouais. Tu sais, c'est quand tu penses à Kevin Cash, Kevin Cash est un bon gérant, c'est pas vraiment. Mais c'est tout ça pour te dire que, regarde, tout le monde savait dans le stade ce qui allait arriver avec. T'es le meilleur Ouais. porteur de ballon de la NFL, t'es à une verge des zones des buts. Voyons, c'est quoi qui a pris, là? En tout cas, Dani, c'était pas dans le stade, là. C'était même le gars à Dubaï ou Ah ouais. en Haïti qui savait ça, là. Mais Mais en tout t'sais. cas, c'est juste pour dire que ça va pas très bien. Puis il y a des signes comme quoi ça sent la fin. Après la défaite la semaine passée, il est allé dire en conférence de presse que même lui ne savait pas comment s'y prendre pour trouver la solution. Fait qu'un coach, là, c'est comme dire un coach, j'en ai plus de solution. Puis quand on voit ça en conférence de presse ou dans tous les autres sports Il y a bien professionnels, une ces chance que coachs-là. ça va arriver. Ouais. Mais Non, c'est. Dominique Ducharme, il faut aussi comprendre. Puis en tout cas, Mais c'est c'est un autre drôle parce que sport, là. tout le monde voulait signer. Mais les gens, là, moi, j'ai de la misère. J'ai de la misère avec les gens, les spectateurs ou les sportifs de salon de dire, tu sais, l'année passée, les Canadiens sont rendus loin, mais en tout cas, ils étaient chanceux d'être dans la division Ben canadienne. oui, ben oui, ben Tu oui. sais, fait que, tu sais, je veux dire, c'est un mélange de chance, comme dans Il n'aurait tout, pas fait les séries. d'opportunités. Il n'aurait pas fait des séries dans une ligue normale. Ouais. Puis, tu sais, combien de fois qu'on a dit Julien était supposé être congédié bien avant, puis. En tout cas, Ducharme, c'est sûr, ben, tu sais, il apprend, puis en tout cas, on On va revenir parlera au pas de football, hockey, là, là, mais mais on va c'est. revenir de football, mais c'est non, c'était une blague que je voulais Ouais, faire. non, non, non, mais t'as raison, mais c'est. Mais tu sais, je veux dire, pour venir à Carroll, ça fait 12 ans qu'il est là, il a de Ben ouais. l'expérience, puis tout ça. Fait que là, c'est, tu sais, à un moment donné, Ça aurait été une belle carrière pareil. Même si. Ben oui, Écoute. c'est comme je dis, il y a une durée de vie dans tout. Puis des fois, à un moment donné, c'est temps pour changer. Mais là, tu vois que l'équipe se cherche. Puis Joue pas dans peut-être une division facile non plus, là, on va se le dire. en plus, c'est ça. Fait Fait que. que, tu sais, il joue pas dans une division facile, mais il a quand même fait une bonne job. Ouais. Il était entraîneur avec les Jets de New York, je pense aussi, à USC. Tu sais, ça Ben, va. USC, les Oh, Patriots. les Il a été Patriots. avec les Ah, c'était Patriots pas aussi. les Jets qui. Les Jets, oui. Ouais, il a fait un peu de Jets, je pense aussi. Avant, il a Ouais. fait les Jets avant de À retourner. USC. Jets Patriots avant de retourner à USC. Parce que c'était-tu après USC qu'il a fait les Pats? Non. Non, Non. il est allé direct après ça avec Avant, les. c'est Ouais, ça. il est allé C'est direct ça. avec les C'est Seahawks. ça. Fait Tu sais, que. c'est un des rares qui va avoir réussi le passage des deux. Hein. Tu sais, quand tu Ouais. regardes ça, là, même Ouais, il n'y en a pas. Urban Meyer, Ouais. je suis pas sûr qu'il va finir. Il va finir l'année, puis ça va être tout, j'ai l'impression. Ouais, j'ai hâte de voir ça, ouais. Fait que, tu sais, c'est très, très difficile. Donc, ça aurait été une belle carrière. Également, ben, Jason, il y a un autre qui a été congédié, c'est Jason Garrett. Comme coordinateur Ouais. à l'attaque. Ben, c'est quand ça va mal pour une équipe, Ouais. puis tu sais, les Giants avec l'arrivée de Joe Judge. Tu vois que c'est un peu un processus. Les Giants ne réussissent pas à performer avec Daniel Jones. Saquon Barkley, il est très blessé. Il est blessé, il est amoché, comme on dit. Fait que, tu sais, ils ont perdu 30 à 10 contre les Bucks. Puis là, c'est là qu'on commence. Tu sais, Joe Judge, il ne faut pas s'en cacher, là, avant de leur virer, ils vont en revirer les coordonnateurs. Ça a été une occasion pour Jason Garrett, parce qu'il était parti des Cowboys et tout ça, mais en tout cas, il n'a même pas toffé deux saisons. C'est vraiment dommage, puis je pense qu'il va y avoir encore plus de changements chez les Giants avec ça, mais j'ai hâte de voir le futur de Jason Garrett, par exemple. Bah. Je suis pas convaincu, là, fait que c'est pour ça que je suis un peu curieux. Peut-être un job comme dans l'ancien, peut-être. Peut-être, ouais. C'est un bon cheerleader pour recruter des joueurs. C'est là que ça prouve à quelque part que Jerry Jones. Comment Jerry Jones était patient. Hein? Ouais, ben il est patient, puis il est trop. Il l'a considéré comme un fils. Là, ouais. Il y avait trop d'émotions envers ça parce que là, tu vois, il est mal pris aussi. Là. McCarthy, là, je ne suis pas sûr, il ne durera pas longtemps, lui. Non, effectivement. Match de la semaine, maintenant, il y a de bons matchs en fin de semaine. Oups, il y a de bons matchs en fin de semaine. Et, moi, j'en ai trois facilement. Il y en a plus que ça, même. Mais trois faciles, oui. Trois faciles. Ben, le premier, ben, c'est sûr, je suis piqué émotivement. Puis, pas rien qu'émotivement, c'est... À quelque part, c'est le match de la conférence. Quoi que les Chiefs vont bien, là. Les Chiefs sont surplacés, là. La défensive joue beaucoup mieux. Pat Mahomes, moins d'interceptions, pas mal. Mais c'est Tennessee contre les Pats. À l'heure actuelle, c'est le match de la conférence américaine pour le premier rang. Ben, c'est mon match de la semaine aussi, Danny. Là, même si je ne mets pas les émotions, parce que quand tu regardes le duel, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui suivent de très près. Là, mais ça va être intéressant parce qu'on risque de voir ce genre de duel-là, même dans les éliminatoires. Est-ce que tu savais que Belichick n'a pas gagné ses deux derniers matchs contre Vrabel? Fait que Bill Belichick, là, je pense qu'il a bien étudié son plan de match. Il reste à voir l'exécution sur le terrain. Chapeau à la défensive des Pats. Ça va être le premier match pour Mac Jones comme dans le froid. Fait que là, on a hâte de voir ça aussi. Donc, tu sais, l'ajustement dans des températures plus froides. Il joue à Alabama, donc Alabama, c'est pas froid, là. Non, ouais, c'est ça. Il est pas habitué de jouer dans le froid, bébé, mais bien. C'est ça, mais là, c'est pas si pire, c'est un match à 13h, donc c'est à New England, mais ils ont eu de la misère à domicile, hein. Sauf que la défensive, dans les deux derniers matchs, à domicile, la défensive n'a pas loué plus que 10 points, ça a été vraiment fort, fait que... en tout cas, il faut faire confiance à cette défensive-là. Tennessee, ben, on vient de voir un peu. Tu sais, au début, ça avait bien été sans Derrick Henry. Mais Ryan Tannehill, là, c'est un beau défi. Fait que Tennessee se cherche dans le sens comment ils peuvent être un peu plus constants. Puis Derrick Henry, ça n'a pas aidé. Là. Exactement. Je trouve que la cote est élevée. Là. Je regardais les cotes. Je ne suis pas un parieur tout le temps, là, mais... C'est quasiment du 6 points favori par les Patriots. Je trouve ça élevé pour deux grosses équipes dans l'américaine. Fait que moi, je m'attends à plus serré. Ou peut-être les gens à Las Vegas, là, qui fait les cotes, ils pensent que les Patriots vont peut-être sortir de ce match-là peut-être plus facilement. Mais je suis pas sûr de ça. Moi, je pense que c'est un gros test pour Mac Jones dans sa courte carrière. Là, mais c'est pas un corps qui va lancer 40 fois. Non, ben, tout est calculé, Danny. Tout est calculé, puis tu sais, tout est calculé, c'est incroyable. Que Belichick, c'est incroyable. Ouais. Écoute, ce club-là devrait être en reconstruction actuellement. Puis on serait bien contents, puis ça ne nous dérangerait pas, ils nous ont tellement gâtés. Puis ce club-là va. Je dis pas qu'ils vont se rendre au Super Bowl, pas là, là mais actuellement, tout est ouvert actuellement. Là, donc c'est ouvert, il y a un chemin peut-être même jusqu'au Super Bowl, je sais pas. Mais c'est incroyable. Mais tout est possible, mais comme tu dis, oui, tu es supposé d'être en reconstruction, mais tu vois, je pense qu'il faut donner chapeau à la défensive. Parce que quand tu as une bonne défensive, ça donne toujours la chance de gagner un match. que n'importe qui est au poste de corps arrière puis tout ça. Fait que, tu sais, si l'équipe donne pas plus que 10 points à domicile, là, ça n'en prend pas beaucoup, là, tu sais, parce que on sait très bien, si on veut avoir les chances de gagner, il faut marquer au moins au-dessus de 20 points. Puis, mais quand ta défensive, il en donne à peu près 10, là, c'est chapeau. Fait que c'est le match de la semaine, en accord avec toi, okay. Mon Danny. Les 16h25, les Rams à Green Bay. Mais je pense qu'on va prendre Cleveland-Baltimore deuxième, parce que c'est un match de division. Oui. Moi aussi, j'avais les Rams-Green Bay, ouais, parce que j'ai... Je vais y aller, parce que l'autre, c'est un match de division. Donc je vais y aller en ordre. Exact. Mais j'aime ton raisonnement, parce que moi aussi, des fois, les matchs de division, je les amène. C'est un Sunday night. Ouais. Un dimanche soir, un match de division. Les Ravens pourraient vraiment porter un dur coup chez les Browns s'ils gagnent ça, parce que les Browns, là, dernièrement, c'est la grosse question. Ça fait 2-3 semaines qu'on se pose la question... Pourquoi qu'on donne pas un break à Baker Mayfield? Parce qu'il est vraiment, vraiment amoché, Danny. Il a une épaule gauche maganée. Là, il a mal au genou. Puis là, je pense que c'est la laine, là, en plus. Fait que c'est sûr que j'espère que Stefanski, il faut qu'il enlève la pression à Baker Mayfield, parce que quand que lui, il force le jeu, quand il a tout le temps le ballon, les Browns, ça marche pas. Puis le gars, à un moment donné, le physique va prendre le dessus. Fait que si t'es magané, t'es pas à 100%. Puis c'est pas évident pour un corps arrière. Mais pour Baltimore aussi, Lamar Jackson était malade la dernière semaine. Il a même pas joué. Mais en tout cas, ça va être vraiment. Moi, je pense que les Ravens là-dessus risquent, s'ils gagnent, ça va donner. Peut-être ça va diminuer les chances, parce que c'est vraiment une division serrée dans la Nord, là. C'est incroyable, là. Parce qu'il y a un autre match de division aussi, c'est Pittsburgh-Cincinnati dimanche, là, la même journée en plus. C'est très intéressant. Évidemment, le troisième match, ben là, c'est Rams-Green Bay. C'est un excellent. C'est probablement un bon match. Tu sais, conférence nationale, on sait pas. Tu sais, c'est ça qui est le fun cette année, c'est que on peut pas dire qui va se rendre au Super Bowl. Les autres années, là, ça, on avait une bonne idée. Mais cette année, personne, c'est vraiment une belle année là, pour ça. Là. Ah, c'est toute une surprise. Il y a des équipes qui vivent vraiment des saisons en montagne russe. Fait que, tu sais, on s'attend à des grosses performances, parce qu'il y en a eu des surprises, il y en a eu des affaires de même. Mais dans la nationale, comme tu dis, il y a quand même 5 équipes qui devraient se rendre. Mais encore là, on n'est pas capable de mettre le doigt dessus sur ces 5-là pour dire qui va se démarquer. On ne le sait pas. Puis c'est pour ça que ce match-là, les Rams contre les Packers, va être très intéressant. C'est incroyable. Au niveau statistique, la défensive des Packers est meilleure que celle des Rams. Fait que, mais là, on a hâte de voir Aaron Rodgers. Ça a l'air qu'il y a une fracture dans son orteil. Okay. Donc, il est un peu blessé. Il va jouer à travers... la douleur, ça a l'air, fait que beaucoup d'Advil, je crois. Ouais. Mais c'est un gros test aussi pour Matthew Stafford. Là, c'est les genres de matchs qu'on a hâte de voir Stafford, comment il va répondre. Parce qu'on le sait très bien, dans le passé, avec les Lions, il n'a pas connu ce genre de match important pour voir est-ce qu'il est capable de mener son équipe ou pas. Mm-hmm. Fait que beaucoup de pression sur Stafford. Ouais, tu joues pour les Lions de Détroit, tu peux pas avoir la chance de mener pour eux autres. Ouais. Mais je crois énormément que c'est le match pour Stafford. Il y a une preuve à faire. Puis en plus, il joue à Green Bay en fin de journée. Donc, Il va commencer à faire froid à Green Bay. Exactement. Très intéressant. Et je vais bifurquer un petit peu vers la NCAA. Tony, je voulais. On n'en parle pas beaucoup. On en parle avec eux de temps en temps quand on est capable de se parler. Mais il y a eu un exploit la semaine passée, puis j'ai été malade toute la semaine, donc j'ai pas pu en parler, mais il y a eu quand même quelque chose de le fun qui s'est passé la semaine passée. Christian Veilleux, un franco-ontarien, son père vient de Québec, que j'ai déjà eu en entrevue l'année dernière, a fait sa première apparition avec Penn State contre Roger, et Penn State a gagné 28-0. Sur Roger, c'est pas une grosse université, là, mais quand même, quand t'es corps à Penn State... Tony, c'est pas rien, là. C'est un grand exploit, parce que vu que on en a parlé, là, je suis allé faire vite une recherche, puis il devient le premier Canadien corps arrière à jouer pour une équipe du Power 5 en 21 ans. Jesse Palmer, fait le dernier, je pense, qui est analyste à ESPN. Qui... Pardon? Jesse Palmer, je pense, le dernier, qui était avec les Gators de la Floride. Est-ce qu'il nomme? Bonne question. Je ne le vois pas. Oui, oui, je me rappelle très bien de Jesse Palmer, qui est analyste. Oui, c'est vrai, Jesse Palmer. Qui est analyste à ESPN. Il était avec les Gators de la Floride. Donc, je sais pas ça fait si... déjà 21 ans? Ouais. Ça fait déjà 21 ans? Ouais. Wow. Fait que, Christian, je l'ai texté tantôt. Je sais pas. Il m'a répondu. Il m'a dit merci quand je l'ai appelé pour le féliciter. Sauf que là, quand je l'ai texté pour le féliciter. Sauf que là, je sais pas si... Tu sais que Penn State joue contre Michigan State. C'est sûr que quand tu joues contre Roger puis tu joues contre Michigan State, c'est pas la même puissance. Je sais pas si Christian va être en uniforme la semaine prochaine. Cet après-midi, c'est-à-dire. Donc ça va être assuré. Ouais. C'est à ABC à 15h30. Clifford s'est blessé, je pense, si Sean je me Clifford souviens bien. OK. Ben je veux dire, c'est pour ça que Christian il a joué. Okay. Parce que Clifford il a quitté le match avec une blessure. Oui, c'est lui qui a commencé Clifford. Donc, ça veut dire qu'il est rendu deuxième. Ça veut dire qu'il s'est rendu deuxième parce qu'au début de l'année, il était troisième. Puis Christian, c'est un freshman. C'est pas un junior, ouais. C'est pas un senior, c'est un freshman. Fait que c'est logique de penser qu'il y a d'ici un an ou deux, il peut être corps partant à Penn State. Là. C'est pas un membre de ta famille non, avec le même non, nombre de. Non, même pas. Ben, sûrement de loin, là, de très très loin, parce que les veilleux, quelque part, quand on remonte à la souche. C'est sûr qu'on a un lien de parenté, là, mais c'est quand même le fun. C'est quand même. Puis c'est un bon Jack à part de ça. Je l'ai eu l'année passée en entrevue. Comme Benjamin Saint-Just aussi, c'est des bonnes personnes. Fait que. Non, regarde, j'ai hâte de voir. Je sais pas si. T'as pas été voir si c'est lui qui est confirmé cet après-midi à Michigan State? Je le vois pas. Ils disent pas. Fait que. Mais il est quand même, si j'ai bien compris. C'est quand même un bon gabarit, là. Il est 6 pieds 4, ouais, c'est ça? Ouais. 200 livres. Il serait 3 étoiles. C'est sûr que 3 étoiles, Tony, tu me disais avant d'entrer en onde, c'est peut-être les Canadiens. Ouais. mais ESPN, je viens de voir, c'est un 4 étoiles. 4 pour étoiles, ESPN. OK. Ouais. Fait que c'est quand même. Il est dans la. Je te dirais, il est dans le bon tiers. Ben, en fait, dans le 5 étoiles, c'est un All-Star. Il le voit comme un exactement. All-Star, un Pro Bowl. Un 4 c'est étoiles, ça. C'est quoi? C'est un joueur normal, c'est ça? Ben, je veux dire, c'est oui, avec un certain potentiel. Donc, oui, qui est au. Un 4 étoiles, il est au-dessus de la moyenne. Donc, un 3 étoiles, c'est un régulier. Exactement, oui, c'est ça. Puis, c'est sûr que, en tout cas, si on ne le voit pas dans la NFL, Christian Veilleux. Ah, c'est sûr qu'on va le voir dans les Canadiens. Il va être un partant, ouais, il va être un partant dans CFL, pas à peu près. Là, ouais, fait ouais, que. Ouais. Fait que ils disent que c'est le prochain excellent corps arrière canadien dans le futur. Fait que on va le suivre de très bien. Natif d'Ottawa. Écoute, on dit que je sais pas si tu es un peu le football universitaire canadien, mais on dit que Jonathan Sénégal est très bon, mais Christian Veilleux est encore une coche en haut de ben ça, tu le vois que s'il arrêtait si bon que ça, Sénégal, il serait pas avec les Carabins, il serait avec les. Exactement. Il serait un 4 étoiles au moins. Un 4 étoiles avec une grosse université. Là. Fait que, exactement. Bon, ben, exactement. Tony, on se reparle vendredi prochain ou samedi? Ben, samedi prochain, ouais, comme d'habitude. Notre ami Tony Gouzeau du site internet leblitznfl.com.